puisque je vous entends pas, je vais pas vous parler. Et je vais rien vous dire. Voilà, c'est pour ça. Je vous avais prévenu la dernière fois, je vous ai dit, faites gaffe. On sait jamais. Ça pourrait dégénérer, on sait pas, la torpeur, etc. Vous savez. Alors, plutôt que de, vous voyez, hein? Non, je crois pas, non. C'est pas ça que vous voyez, en fait. C'est pas exactement ça, vous allez comprendre. Vous vous demandez si je comprends pas comment vous faites, vous, pour comprendre, mais... Mais y a pas de mais, juste. Ça, c'est pas le moment de faire un mais de tout ça. On va juste manger un kebab ce soir. Et du foutre, puisque on ne sait pas exactement ce que c'est. Que la sauce blanche. Des Grecs. Quelqu'un sait ce qu'ils mettent dans leur sauce, qu'il appelle au 05 61 53 36 95. Faire un plaisir de le passer à l'antenne de Canal Sud, ou de là, faire passer à l'antenne de Canal Sud, pour lui permettre de s'exprimer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du rendu, je m'excuse, j'ai toujours pas été formé et le matériel de Canal Sud est toujours aussi pourri. Merci, oui, Canal Sud, je veux dire, c'est toute la faute à Canal. On va écouter un morceau de Mozart en accéléré pour se peaufiner les oreilles en punition de nos péchés et la rémission de toutes nos laideurs. Amène donc ton boule et je me ferai un foutra de plaisir en te regardant te peaufiner. Alors que toujours le jésuite ne se mange pas avec la crème dorée. Mais bien plutôt la crème adorée. Dorure, morue, salée, toujours. Et pas foisson. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas le moment de me demander. J'ai toujours pas compris ce que je disais la dernière fois. Ah, vous voyez... Ah oui, la pénultième solution, nous étions donc... de parler de la pénultième solution la dernière fois. Donc ça peut être une solution, quoique je sais pas trop en fait. Il faudrait que j'essaye. Voilà, donc tout ça pour vous dire que vous êtes à l'écoute de Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Après 21h40, je suis désolé pour le retard, c'est une émission qui débute à 21h et qui finit à 23h tous les vendredis, par aujourd'hui. Nous allons parler d'émergence, je veux dire d'immergence plutôt, excusez-moi, et également de se faire immoler par le feu. Sans prévision, nous pourrons ensuite condenser sur une azure ou un azure, je n'ai toujours pas compris, c'est justement la question de ce soir, un ou une azure. Voilà, donc c'est une émission bruitiste, donc ne vous attendez pas à grand chose. Il n'aura rien. Voilà, donc tout ça pour vous dire d'aller vous faire foutre, vous tous, nous quoi, qu'on aille tous se faire enculer quoi. Voilà, je suis désolé pour l'avance, d'habitude je commence à 23h les insultes, mais là je me suis dit non, avant la fin de l'émission il faut que je les insulte, ces bâtards et ces bâtardes, de sales races qui puent, l'humanité tout entière est une grosse merde. Oui oui, je vous aime tous, enculés de sales bâtards de race de putréfaction pourrite. Moi aussi, compris, compris. Bonne écoute. Oh my god, it's full of shit. So full of shit, motherfucker. You all, yeah, we're all gonna die. We're all gonna die, motherfuckers. Yeah. Oh, it's so cool to die, you know? Oh, my man. Oh, man. Oh, woman. Oh, it's so cool, man, to die, you know? So fucking cool. Yeah, baby. Oh, I'm the baby here and I love to die, don't you? So fucking cool, you know, man. This is what death is about, you know. We're all gonna die. It's so cool. Cool. suave, man. It's a suave dog, you know. Donc j'ai dit que la suavité était essence de l'être-té, l'entretien de la personnalité est avant tout un narcissisme anti-réactionnel. Ok, excusez-moi, ce n'était qu'un mot d'esprit. Et derrière tout ça, le cul qui gratte, on en peut plus. Tout ça, ils se font enculer, oui. C'est bien le sujet. Et donc, avant toute impermanence, je vous laisse écouter l'oraison funèbre et funeste de Louis de Funès. Ha ha ha. C'est l'encul qui a raison, hein. C'est l'encul, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Et avant tout encul, merci les parents. Nous-mêmes. Nous sommes les parents de nous-mêmes. Remercions donc. Avec un doigt perdu. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était pas une histoire de sodomite. C'est plutôt une histoire de sodomie. Vous voyez ? La vie. C'est toute une histoire. C'est ça qui est bien avec la vie. C'est la vie. La vie, c'est la sodomie. Oserais-je un peu d'anti-absurdité ? Oui, il a raison, la raison, oui, il a raison. Un peu de cohérence peut-être ? C'est là que la nana elle me dit ouais. Et moi aussi j'étais là ouais pour lui chier le cul, tu vois, ouais. Tu comprends? C'est un encul, tu vois. Ça, la sodomie, c'est une métaphore en fait. Quand je dis sodomie, faut entendre encul. Oui, une métaphore. De la morgue. Sodomie, c'est plongé dans la morgue. La sodomie, en fait, c'est plongé dans la morgue. insalubrement. C'est une définition de la déraison à l'état pur, inconscience, comme c'est l'été à l'aube du temps. La beauté de tout ça, c'est que ça dure encore et que ça ne s'arrête pas. Et c'est pour ça qu'on en fait toute une entité. L'aube du temps. Avant nous. C'est encore à propos de nous. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne croise pas. Non, ce n'est pas vrai. Tu me mens. Tu es toi-même un insensé ou une insensée au bout du fil. Tu vas déraisonner toute ta vie. Tu vas crever, les obsèques brûlants, vite. Et pendant ce temps, je vais raconter une histoire pour les petits et les petits chansons. Il y avait un espèce de truc qui bougeait dans le salon. Un espèce de truc horrible qui puait la merde, le caca. Et tout ça, ça restait dans le salon parce que c'était marrant. Et plutôt que de faire chier, les enfants gentils aiment faire caca dans le salon. Les enfants bons sont comme le caca, ils sentent mauvais. Et les enfants gentils aussi. Et c'est pour cela, les petits, qu'il ne faut pas déraisonner sur le caleçon canapé, je veux dire, dans son fion au papa, maman. Tout ça, dans son fion. Il ne faut pas, non. C'est pourquoi vous avez compris, ceci est pour les fêtards et fêtards. Allez vous faire foutre, bande de fêtardes et fêtards de merde. Spéciale dédicace de la part de Al Nuisance, ouais. Représente. Allez vous faire foutre. Et pendant ce temps, la Terre tourne aux rondeurs de façon atrophiée, tout en penchant vers le salon de la gauche, vers la droite. Une émancipation de la réaction. Oui, totalitaire, totalitaire. Enfermez-les tous. Enfermez-les dans une cage. Prenez-les et retournez-les par le cul et enfermez-les dans une cage. Et puis tu peux parler dans le poste. Toi, tu peux m'entendre à travers mon cul, car je ne fais que dire de la merde, comme d'habitude. Oh oui. Non, je t'entends pas. Et tout ce que je veux dire, c'est de la merde, tu vois, comme d'habitude. Mais oui, comme d'habitude, parce que... En fait... Les semaines qui ont précédé, c'était vachement bien. Ouais, c'était vachement bien, c'était vraiment c'était que de la merde. Musique et tout, c'était pas de la merde et ouais, c'était que de la merde. Heureusement, maintenant c'est redevenu de la merde. Vive la merde. Ouais, vive la merde, ouais. C'est ça, ouais, ce que je disais. Donc c'est que de la merde, allez vous faire enculer, du foutre, partout du foutre et surtout plein de merde. Partout du foutre et de la merde, surtout et du sang aussi. Un peu de sang dans les naseaux et sous le cul. Et aussi au bord des pieds, des doigts de pied tout de suite purulents quoi. L'abcès toujours fécondant l'insanité, je veux dire la déraison toujours irrationnelle, vous n'avez toujours pas compris. Je vais vous parler d'un match. Un match entre vous et la merde. Qui va gagner? Je crois que c'est tout vu les tonnes de merde qu'il y a sur Terre. À part nous, je veux dire. On y est. Si vous saviez que 100 000 fous ont voté. Ils ont voté pour un fou. Quelle bande de mous. C'est bon. s'ils veulent, les gens peuvent voter. C'est cool, c'est ça la liberté, aller vous faire enculer. Et donc j'ai parlé de ces rondeurs atrophiées à la Terre, qui tournent, qui tournent. De radio vide, radio vide, studio vide, code vide, permis vide, spermicide. Oui, nous vendons du spermicide sur Terre. Nous avons tous et toutes la possibilité de crever si nous le voulons. Nos spermatozoïdes vont crever. La purulence, abcès. Oh, fécondité, fécondité. Oui, quand tu nous tiens, eh ben fécondons, puisque c'est le viol absconce de la personnalité que nous voulons par cette société inaltérable. Allez vous faire. Oui, allons se faire. C'est ça la société, c'est beau. Allons nous faire. Allons nous faire. Alléluia. Des oiseaux mazoutés. Des oiseaux mazoutés. Des oiseaux mazoutés. Des véliplanchistes morts. Oui, venez voir le cirque des animaux morts partout empaillés, oh. La marine nationale, la gendarmerie nationale. Et toujours des morceaux de chair dans les coins. De chair digérée. Dissection. Fatras d'immondices d'insanité. Purulence obscène. Pustule. Si seulement je pouvais pustuler dans ma vie au moins une fois, s'il te plaît. Dieu, parle-moi. Parle-moi de moi. Bienvenue, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous allons débattre pour vous, à votre place, car vous n'avez pas d'esprit et vous êtes inconscient de ce qui vous entoure, car vous êtes des bons et des bonnes travailleurs. À toi. Les navires, dont la puissance motrice est supérieure à 3 kW, à l'exception des engins de plage, doivent être immatriculés par leur propriétaire dans un quartier des affaires maritimes. Ne pas confondre avec les marques extérieures d'identité. Merci Jean-Michel. Nous passons à l'actualité donc purulente des pustules inatrophiables. Toujours sur la côte est, nous observons une vague, une deuxième. C'est à présent la dernière vague. Il nous reste un moment à attendre avant l'antépénultième solution. Peut-être avons-nous vous trouvé pour vous, en exclusivité ce soir, une possibilité d'irréaction peut-être. Irréactionnalisme, oui, je l'ai articulé. C'est une possibilité pour vous ce soir. Un navire échoué doit porter de nuit feu de navire au mouillage plus deux feux rouges superposés, comme un navire non maître de sa manœuvre. Si la longueur du navire est inférieure à 50 mètres, le feu blanc arrière est facultatif. Oui, merci. Nous passons ensuite, donc toujours brûlant, brûlant, oh cette tension, quand tu nous tiens, merci tous. De jour, à l'endroit le plus apparent, trois boules noires superposées de 0,60 mètres de diamètre. Ce qui ressemble environ à un globe. Ce sont des boules de mouillage. Ce qui appelle donc le rouillance dans le rouillage, à plus travers la roulance, de la possibilité toujours en travers du fond. Plus deux boules du navire non maître de sa manœuvre. Ce n'est égal plus possible autrement. Navire nous échoué. Pas pouvoir. On peut constater, lorsque le nombre de boules augmente, la situation s'aggrave. La rouillance. Le RIPAM, règlement international pour prévenir les abordages en mer, prévoit que tout navire doit posséder à son bord une boule de mouillage proportionnelle à la taille du navire. C'est bon ça. Ouais, donc si on veut aborder en mer, il nous faut une boule. Rapporte une boule. Une boule de mouillage. Ouais, de mouillage. C'est bon, t'es pas obligé de dire ça devant tout le monde comme ça. Hein. De nuit, à l'avant, un feu blanc visible sur tout l'horizon. T'es plus mon copain. Ah. À l'arrière ou près de l'arrière. Je t'abandonne maintenant. Un feu blanc plus bas que le premier visible sur tout l'horizon. Je t'ai trouvé à la rue de toute manière. Portée 3000. Tu appartiens à la rue. Reste-y. Reste à la rue. Quand la longueur du navire est inférieure à 50 mètres, un navire au mouillage peut ne porter à l'endroit le plus visible porte mon nez. Un seul feu blanc visible sur tout l'horizon. Parle-moi de mon nez. Portée 2000. Oh, dis que tu aimes mon nez. Embrasse mon nez. Souffrance. Navire en opération de déminage. Outre les feux prescrits pour le navire à propulsion mécanique, un navire effectuant des opérations de déminage doit montrer. Il faut pas faire ça. De nuit. Non, arrête. Trois feux verts sur tout l'horizon. Un de ces feux est tête de mât de misaine, mât avant. Un de ces feux à chaque extrémité de la vergue de misaine. Pourquoi tu m'as abandonné ? Dans la rue. Deux jours. Je méritais pas ça. Trois boules noires à la place des trois feux verts. Je méritais de crever, putain, tu ces le sais. Ces feux marques indiquent qu'il est dangereux pour un autre navire de s'approcher à moins de 1000 mètres. Pourquoi tu m'as pas tué, maman? À ce moment-là, c'était là, j'étais vulnérable. Hydravion en route sur l'eau. Il porte les feux prescrits pour les navires à propulsion mécanique. Navire, aéroglisseur et sous-marin. Il porte en plus des feux réglementaires un feu jaune scintillant visible sur tout l'horizon. Alors l'aéroglisseur, c'est trop de la balle. Quand j'étais petit, j'ai pris l'aéroglisseur de Douvres à Calais. C'était parle-moi de mon cul. C'était trop bien. Tu marchais sur la plage. Parle-moi tu montais par un truc comme dans les avions là, mais comme dans Tintin. Parle-moi de mon trou du cul, s'il te plaît. Il est 22h, il est 22h, on peut maintenant. C'était un train et ça se levait, ça allait sur l'eau, ça traversait super vite, pouf, ça arrivait sur une plage à Douvres et ça faisait la même. Pourquoi tu fais pas ce que je te dis de faire, hein? Si tu veux rouler le Tanguy, tu viens ici et tu chopes le Tanguy et tu le roules, le Tanguy, hein, le roulis, je veux dire. Pêche en couple. Pêche au bœuf. Quand deux navires prennent le même chalut, ils peuvent diriger un projecteur vers l'avant et en direction de l'autre navire. Navire en train de pêcher, autre que navire en train de chaluter. Un navire en train de pêcher, autre que chalutier doit montrer. De nuit. Deux feux superposés visibles sur tout l'horizon. Feu supérieur rouge, feu inférieur rouge. Si son engin de pêche est déployé à plus de 150 mètres. S'il a de l'air, ce navire doit faire également ses feux de côté et son feu de poids. Deux jours. Les navires en train de pêcher, soit au chalut, soit par tout autre moyen, doivent montrer une marque formée de deux cônes superposés réunis par la pointe. En outre, un navire en train de pêcher, autre qu'un chalutier, doit montrer un cône pointant haut dans l'alignement de l'engin. Pêche, si son pêche, engin la est déployé pêche. Sur une distance supérieure à 150 mètres. J'aime la pêche. Parle-moi de la pêche. Ça, c'est de la pêche au gros. En haute mer. En haute mer. Oui, oui. Merci. Tu veux que je t'en pêche une? Ça a l'air... Ouais, ça a l'air inadapté, excuse-moi. Bateau pilote. en parlant I'm sinking in the pain. Just singing in the paint. Fuck. Fucking. That's what it's all about. That's the shit. That's what it's all about, you know. It's about the fucking, you know. Sit. Tu vois, t'as vu ce que je veux te dire? Je veux dire. Non. C'est ça que je veux dire. Mais ça sort toujours oui. Pourquoi? Welcome. Vite, dépêche-toi. Plus vite que ça. Plus vite que ça, s'il te plaît. J'ai pas le temps. Non, on a plus le temps là. C'est la fin. C'est la fin des temps. Best motherfucker on this planet. I'm the stupidest shit, you know. I'm the fuck, you know. I'm the fuck, man. I'm the fuck. You can fuck me all night long. I don't care. C'est le pitch, tu sais. Ah, c'est mon cul que tu baises. Oui, à chaque fois que tu niques quelqu'un, c'est moi. Bon matériel, tu comprends? Il faut le prendre par devant. Ouais, non, c'est... J'aime bien la MD, ouais. Tu parlais de quoi, là? Excuse-moi, je... Le MD, ah. Mini-disque. Il me parle de mini-disque. Non, je rêve. Non, moi, je parlais pas de ça, moi. Je parle pas de ça, moi. Non, c'est pas ça, c'est pas le pitch, hein. C'est moi, j'hallucine, je tripe totalement avec l'esprit, quoi. Je suis capable de maîtriser, via un contextuel no-texte, une loupe ou une reloupe en auto-cul. Tout ça avec un 89.7, je veux dire 92.2, excusez-moi, canal studien, en 0.3, 2.23, 2.60, 70, sur la piste 1 ou le track dans le folder 1. Nous admirons donc toujours la texture et l'inémancipatoire, excusez-moi. Donc irréactionnel, puissance d'une œuvre fortuitement incontrôlable, ou incontrôlée plutôt. Yeah! talking about, yeah. Oh, it's cool, man. Yeah. Yeah, baby. Oh, it's better, yeah. Now talk to me. Oh, shit, what are you doing? Oh, fuck you. Fuck me, you know what I mean? Fuck you, you should just die, you know. Die! Yes, die. C'est bien. Gloire à Satan. Heureusement, on vous épargne de parler du championnat de France de première division de football. Ouais, le foot, ça pue la merde. Merci. De bruit, c'est la ronde de nuit. Let's fuck, oui, donc baison, oui, baison. Canal Sud 92.2. Ça pue. Ça chie, tu sais, je me suis pas brossé les dents, putain, la merde. C'est vraiment désolé, je suis vraiment, excusez-moi tous, vraiment, de vous enculer profondément en vous disant que j'en ai rien à foutre. Pardonnez-moi, car le pardon est une œuvre belle. Il est bon de pardonner autrui. Si tu pardonnes pas, tu vas au trou. Compris ? Pardonne pas, on se venge. T'as pensé mal. T'as pensé le mal. L'oreille. C'est mal. Stop. Arrêtez. C'est mal, les enfants. Mourez maintenant. Propose le vote, suicide des hip hop. Qui est pour? Tout le monde, allez, voter, à voter. Oui, c'est bon, on peut tous aller chier maintenant, on avait vraiment envie. Iggy Pop au bio. C'est qu'une merde. Crevez Iggy Pop. Il faut le tuer maintenant. Ouais, ou un autre, c'est pas grave, mais faites-le. Faites-le, ouais. Tuez-les tous. Spéciale dédicace à Valérie Solanas. Ouais, je sais pas qui c'est, mais je préfère me crever que de la connaître ou de le connaître. Je sais pas qui c'est. Je sais pas. Allez, crevons tous en abcès purulents que nous sommes. Les abcès furulonculeux que toujours. Toujours, oui. Oui, vas-y, plus fort, plus vite. Nous sommes vraiment de la merde. La chaleur est étouffante, nous n'entendons plus rien, nous avons presque... Oh mon Dieu, non. La furuconduculence du cul, quoi, qui pue, est toujours là, oui. Prêt à vous soumettre, rat d'attention, espèce de rat. Vous êtes des rats, ouais, nous sommes des rats, ouais, t'as raison. Ouais, merci, merci, ouais, je savais que j'avais raison. Ouais. Merci, allez, vous traitez comme de la merde. De rien, tout le monde, ah, ah, ah, ah. Moi aussi, je suis de la merde comme vous savez, je me traite comme vous. Je me traite, vous voyez. De rater les attentats, c'est nul, c'est de la merde là, je veux dire, putain, c'est quoi cette merde quoi. John Lennon, ça c'est du bon travail, JFK, Kennedy, Fitzgerald, là, bon travail, allez, un peu de courage et d'entrain, plus vite, plus fort, oui, vous êtes vraiment de la merde. Allez, oui, c'est bien. Piratons les pirates, c'est une bonne idée ça, ouais. Piratons les dans le cul. Oh, t'as du fric? Ouais, tiens, ta gueule. Merci. Zone de navigation. Nouvelle réglementation. La réforme de la réglementation sur la sécurité des navires de plaisance s'applique à compter du 15 avril 2008. Ce nouveau texte, baptisé D240, remplace en partie la division 224. La réforme consiste de passer de 2 à 3 zones de navigation pour les navires de longueur de coque supérieure à 2,50 m et inférieure à 24 m. Et à chacune de ces 3 zones correspond un pack d'armement standardisé, c'est-à-dire le minimum obligatoire. le chef de bord peut embarquer du matériel complémentaire en fonction du type de navigation pratiquée. Le matériel d'armement spécifique aux embarcations légères de moins de 5 mètres est supprimé. Elles sont désormais soumises à la réglementation que les autres, les mêmes réglementations que les autres navires. Le matériel d'armement et de sécurité doit être conforme à la division 240. Définition d'un abri. Tout lieu où un navire peut accoster ou mouiller en sécurité. Rappel. 1000 marins. 1852 mètres. Un nœud. C'est 1000 à l'heure. Pack hauturier. Zone de navigation supérieure à 6000 d'un abri. Pack côtier. Zone de navigation de 2 à 6000 d'un abri. Pack basique. Zone de navigation inférieure à 2000 d'un abri. Annexe. 300 mètres d'un abri. Le navire porteur est considéré comme un abri. Au-delà de 300 mètres d'un abri, un équipement individuel de flottabilité par personne et un moyen de repérage lumineux. Catégorie de conception. Marquage CE. Depuis le 16 juin 1998, tous les bateaux de plaisance, à partir de 2,50 m à 24 mètres, mis pour la première fois sur le marché communautaire, doivent porter le marquage CE. Ils sont construits en fonction d'une catégorie de conception qui atteste les aptitudes du bateau à affronter des conditions de mer définies par la force maximale du vent sur l'échelle anémométrique de Beaufort et la hauteur significative des vagues. Un bateau marqué CE doit être accompagné de documents spécifiques et répondre à certaines obligations. Classement des bateaux marqués CE. 4 catégories de conception selon les aptitudes à affronter des conditions de mer caractérisées par une vitesse du vent et une hauteur de vague. Conception A. Navigation en haute mer. Vent, plus de 8 Beaufort. Vague, plus de 4 mètres. B. Au large. Jusqu'à 8 Beaufort compris. Vague jusqu'à 4 mètres compris. Catégorie de conception. C. À proximité de la côte. Le vent jusqu'à 6 Beaufort compris. Les vagues jusqu'à 2 mètres compris. Classement des bateaux marqués CE. Conception D. En eau protégée. Jusqu'à 4 Beaufort de vent. Jusqu'à 50 cm compris de vagues. Le plaisancier devra évaluer les conditions météorologiques existantes et prévues et s'assurer qu'elles sont compatibles avec la catégorie de conception de son navire. canalsud.net. C'est nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. On vous expliquait à l'instant comment se beaufortiser dans un cul, toujours, en permanence, atrophié par la démence mentalement conne d'une société qui pue le cul de la merde, qui sort donc de son trou de balle puant, comme je le disais à l'instant, Suzy donc. Donc le kiki de Robert est en train de pénétrer le petit cul à Roger. Que faire? Que faire? Pendant ce temps, on tape à la porte et personne n'ouvre. Pourtant, n'était-elle pas entrouverte, cette porte, au départ, avant de taper dessus? Bande de fatras d'immondices, je vous le dis. The door is ajar. It's the color of the recipient. The recipient is money, money. We need money to survive against the odds. The oddity. Oh. Nous n'avons pas d'argent. Nous allons crever dans la merde, l'abcès, l'absconce. Je veux dire, pardon, je n'ai pas d'éducation. Je dois mourir. Encore une fois. Conduite dans le mauvais temps. Réduire l'allure du bateau. Quand les conditions météo sont défavorables. Quand on est en bout à la lame, on est bout à la lame. Quand on reçoit par l'arrière, le vent, les vagues. Ou pas forte houle. Danger de coffrage et de chavirage. Ne pas oublier que le vent contre-courant est un phénomène qui augmente la hauteur des vagues. Éviter de recevoir la vague par le travers. Risque d'être roulé et de chavirer. enfin donc l'émission de suivante est là. La Black Music va entamer la session dans quelques instants. Vous ne pourrez plus profiter des Parasites Radio. Oh, quel désolement, désolation, je veux dire, désolence. Je vais vous dire au revoir aussi. Peut-être que notre invité voudra vous dire au revoir ou peut-être pas. Abri. Tout lieu où un navire peut accoster, pour accoster, mouiller en sécurité. Accoster, se placer le long d'un quai, d'un ponton. Alignement, direction commune de deux amarres. Amarre, cordage servant à tenir un bateau le long d'un quai.